Lévitique chapitre 8. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, et un veau pour le sacrifice pour le péché, deux béliers, et une corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée fut convoquée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée, c'est ici ce que l'Éternel a commandé de faire. Et Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. Et il mit sur Aaron la chemise, et le ceignit du baudrier, et le revêtit du rochet, et mit sur lui l'éphod, et le ceignit avec le ceinturon exquis de l'éphod, dont il le ceignit par-dessus. Puis il mit sur lui le pectoral, après avoir mis au pectoral Urim et Thummim. Il lui mit aussi la tiare sur la tête, et il mit sur le devant de la tiare la lame d'or, qui a la couronne de sainteté, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Puis Moïse prit l'huile de l'onction, et oignit le tabernacle, et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Et il en fit aspersion sur l'autel par 7 fois, et en oignit l'autel, tous ses ustensiles, la cuve, et son soubassement, pour les sanctifier. Il versa aussi de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit pour le sanctifier. Puis Moïse ayant fait approcher les fils d'Aaron, les revêtit des chemises, et les ceignit de baudrier, et leur attacha des calottes, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Alors il fit approcher le veau de l'offrande pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du veau de l'offrande pour le péché. Et Moïse l'ayant égorgé prit de son sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel alentour, et fit propitiation pour l'autel, et il répandit le reste du sang au pied de l'autel, ainsi il le sanctifia pour faire la propitiation sur lui. Puis il prit toute la graisse qui était sur les entrailles, et la tête du foie, les deux rognons avec leur graisse, et Moïse les fit fumer sur l'autel. Mais il fit brûler au feu hors du camp le veau avec sa peau, sa chair, et sa fiente, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il fit aussi approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et Moïse l'ayant égorgé, répandit le sang sur l'autel tout alentour. Puis il mit le bélier en pièces, et en fit fumer la tête, les pièces, et la fraissure. Et il lava dans l'eau les entrailles et les jambes, et fit fumer tout le bélier sur l'autel, car c'était un holocauste de bonne odeur, c'était une offrande faite par feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il fit aussi approcher l'autre bélier, savoir le bélier des consécrations, et Aaron et ses fils posèrent les mains sur la tête du bélier. Et Moïse l'ayant égorgé prit de son sang, et le mit sur le meul de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit aussi approcher les fils d'Aaron, et mit du même sang sur le meul de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le reste du sang sur l'autel tout alentour. Après il prit la graisse, la queue, et toute la graisse qui est sur les entrailles, et la tête du foie, et les deux rognons avec leur graisse, et l'épaule droite. Il prit aussi de la corbeille des pains sans levain qui était devant l'Éternel, un gâteau sans levain, et un gâteau de pain fait à l'huile, et un beignet, et les mit sur les graisses, et sur l'épaule droite. Puis il mit toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron, et sur les paumes des mains de ses fils, et les tournoya en offrande tournoyée devant l'Éternel. Après Moïse les reçut d'entre leurs mains, et les fit fumer sur l'autel par-dessus l'holocauste, car ce sont les consécrations de bonne odeur, c'est un sacrifice fait par feu à l'Éternel. Moïse prit aussi la poitrine du bélier des consécrations, et la tournoya devant l'Éternel, et ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit de l'huile de l'onction, et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui, ainsi il sanctifia Aaron et ses vêtements, ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Après cela, Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites bouillir la chair à l'entrée du tabernacle d'assignation, et vous la mangerez là, avec le pain qui est dans la corbeille des consécrations, comme le Seigneur me l'a commandé, en disant, Aaron et ses fils mangeront ces choses. Mais vous brûlerez au feu ce qui sera demeuré de reste de la chair et du pain. Et vous ne sortirez point pendant 7 jours de l'entrée du tabernacle d'assignation, jusqu'au temps que les jours de vos consécrations soient accomplis, car on emploiera 7 jours à vous consacrer. L'Éternel a commandé de faire en ces autres jours comme on a fait en celui-ci, pour faire la propitiation en votre faveur. Vous demeurerez donc pendant 7 jours à l'entrée du tabernacle d'assignation, jour et nuit, et vous observerez ce que l'Éternel vous a ordonné d'observer, afin que vous ne mouriez point, car il m'a été ainsi commandé. Ainsi Aaron et ses fils firent, toutes les choses que l'Éternel avait commandées par le moyen de Moïse.